Chapitre 7. Notre-Dame du Folgoët. Le Folgoët n'est qu'un hameau, mais ce hameau possède l'une des plus belles églises du Finistère. Et l'église a précédé le hameau, lui a donné son nom et en fait la célébrité. L'église est l'un des plus anciens et des plus grands pèlerinages, et le hameau le premier marché aux chevaux de la Bretagne. C'est de l'église seulement que je veux parler. Elle a été fondée et nommée par l'acclamation populaire. Les gens de toutes conditions, princes, nobles et vilains, ont contribué pour la construire, et ce sont de simples particuliers qui se sont cotisés pour la racheter et la rendre au culte. Il y a 56 ans, le 25 août 1810, 12 habitants de Guiquello, Lesnevin et autres lieux étaient rassemblés dans le cabinet de Maître Feillet, notaire à Lesnevin. Il s'agissait de l'église du Folgoët, qui, comprise entre 1792 dans la vente des biens nationaux, rouverte en 1802, était restée cependant la propriété privée d'un sieur Nicolas-François Anquetil. Il consentait à la revendre moyennant 10 000 francs, avec les intérêts à 5%, payable en un an à la Saint-Michel, se réservant le droit pour lui et les siens d'avoir gratis un banc ou 6 chaises à son option dans la dite église et à son haut bout, dans le cas que cette église soit conservée au service du culte. Telle était en effet l'intention des 12 personnes qui s'étaient généreusement taxées pour faire cette pieuse acquisition. En l'endroit, continue l'acte, les acquéreurs ont déclaré ici faire donation à la commune de Guiquello de la dite église du Folgoët et de ses dépendances, laquelle donation a été présentement acceptée, sauf l'approbation du gouvernement par M. Charles Tétard en sa qualité de maire de la dite commune. Ainsi se termina pour Notre-Dame du Folgoët la période révolutionnaire. Elle avait été fermée le 16 novembre 1790. Le 14 juillet 1791, toute l'argenterie était envoyée à la monnaie de Nantes. La même année, on vendait l'hôtel des pèlerins, l'hôtel de la reine Anne, l'écu de France et tout l'enclos de l'ancienne collégiale. En 1792, on vendait l'église, après avoir martelé les écussons et brisé les statues. Bien que dépouillée en 1810, elle était rendue à elle-même. Les fidèles qui y affluaient ne prieraient plus dans un temple d'emprunt et les vieilles traditions de pèlerinage et de dévotion allaient se renouer à son ombre. Ce fut l'œuvre des 12 particuliers de Guiquello dont l'acte d'acquisition a conservé les noms. Folargoat, ou par abréviation Folgoët, signifie « le fou du bois ». Qui était donc ce personnage dont l'église porte le nom, ou plutôt le sobriquet? Un témoin oculaire et contemporain, Jean de Langouenou, abbé de Landévennec, va nous le dire. C'était vers 1350. « Or, il advint, dit-il, que tel enfant salin fut envoyé aux écoles en l'âge puéril, et n'y sut apprendre autre chose que ses paroles en latin « Ave Maria ». C'est-à-dire « Je te salue, ô Marie », lesquels il redisoit fort souvent jusqu'à 3, 4, 5 et 6 fois ordinairement. Il fut ainsi renommé par toute la contrée de Lesnevin et aux environs. En cherchant l'aumône, il disoit toujours par les portes ces mots « Ave Maria, je te salue, ô Marie ». Et s'il entremêloit encore du baragouin du pays, parlant de telle sorte « Salin a des prébara », c'est-à-dire en latin « salin comederet panem » et en français « salin mangeroi du pain », par quoi les habitants du pays lui distribua sur l'heure ce qu'ils devoient manger eux-mêmes, et l'or s'en alloit à une certaine fontaine éloignée de la dite ville de Lesnevin, d'un quart de lieue du côté du Midi. Et là-dedans il trempoit son pain et bribes d'aumône, et les mangeoit ainsi assaisonnés, et n'usoit jamais d'autre viande ni breuvage, que de pain trempé dans cette fontaine. Lorsqu'il faisait froid, il se suspendoit à une branche d'arbre et se balançoit de toute sa force, chantant à pleine bouche « Ô Marie !» Toutefois, bien souvent, Lorsqu'il aduisoua que la fontaine fut moi et ses couloirs en vapeur, il se fourroie jusque aux aisselles dedans l'eau. Depuis donc que cet innocent fut décédé, il fut enterré par les voisins au lieu même, en la place de son lit, dessous son arbre, auprès de sa fontaine. Il advint par après qu'un lys très beau crut miraculeusement sur sa fosse, dont les fleurs représentoient en elle ces mots écrits en lettres d'or, « Ave Maria ». Ce qui fut cause que le bruit courut incontinent par tout le pays circonvoisin, de sorte qu'un tel miracle fit amasser là une foule infinie de monde, tant de gens d'église que de gentilshommes et d'autres personnes de tous états, et tant hommes que femmes, pour admirer telle merveille, dont tous ensemble advisèrent et conclurent, par délibération et résolution prises sur la place, qu'on ferait bâtir une église en l'honneur de la Vierge Marie, laquelle fut appelée l'église de Notre-Dame du Folgoat, c'est-à-dire du bois ou ermitage du Fol, nom dont on réputoie le dit Saint-Salin. C'est en effet à l'endroit même où jaillit la source que s'élève le maître-autel. Au dehors, de l'autre côté du mur, se trouve la fontaine, recueillie dans une grotte de forme ogivale. Ainsi, le suffrage populaire proclama Saint-Salin et décida l'érection d'une chapelle sous le nom de sa patronne unie au sien. Le sien, je me trompe, comme pour marquer à jamais l'origine tumultuaire de l'acclamation, le sobriquet vulgaire a été substitué au nom. Nous surprenons ici le Moyen-Âge dans l'un de ses accès de foi et de religieuses émotions. Nous l'allons surprendre encore dans la solidarité de ses membres travaillant en commun à la construction de ces cathédrales. Les propriétaires des environs donnent à la nouvelle chapelle des champs, des bois, des parcs. Le vilain donne son travail. Le duc de Bretagne, Jean V, suit le mouvement et par lettre patente du 10 juillet 1422, de l'agrément des trois états de son duché assemblé à Vannes, il érige la chapelle en collégiale et lui assigne des rentes et des propriétés. Le pape l'enrichit d'indulgence. Pendant de longues années, l'histoire du Folgoat n'est que celle des dons qui lui arrivent de toutes parts, jusqu'à ce que Anne, la grande duchesse, fasse achever l'église et construire le dôme et le portique des apôtres. Par lettre patente du 9 juillet 1553, le roi Henri II donna des statuts. L'article 11 établissait une confrérie des deux sexes, où la primauté, article 12, était réservée au roi et à ses successeurs. Mais, article 13, pour représenter dans la dite confrérie la personne du seigneur roi, les confrères procéderont chaque année à une élection en présence du doyen ou de celui qui tiendra sa place. L'élu prendra, pour cette année, le nom de roi de la confrérie et dans tous les services sacrés, aux offices divins, dans toutes les réunions, il aura la place d'honneur et le premier rang. Il aura aussi le pas aux offertes, dans les processions et autres actes de la confrérie. Le roi offrait le pain béni le jour de la nativité, article 14, et les confrères dînaient ensemble en payant chacun leur écho, article 15. Cette mainmise du roi sur le Folgoat, si lointaine qu'elle paraît être, ne lui fut pas favorable. En 1681, Louis XIV supprima le doyenné et le collège et donna le Folgoat avec la jouissance de ses revenus aux jésuites qui venaient de fonder une maison à Brest. Le Folgoat est délaissé. En 1708, il est dévoré en partie par un incendie. En 1763, après l'expulsion des jésuites, il devient un asile de convalescence pour les troupes du roi qui sortent de l'hôpital de la Marine. J'ai raconté le reste. Telle est, rapidement résumée, l'histoire de Notre-Dame du Folgoat, dont j'ai emprunté les matériaux à la précieuse notice de M. de Kerdanet, avocat à l'Esnevin. Il est difficile de choisir dans les diverses parties de l'édifice celle qui mérite le plus d'attention. Si l'on est frappé, c'est surtout de l'harmonie et de la grâce générale. Les colonnes qui soutiennent les arcades n'ont qu'un fleuron à la place du chapiteau, minces et élancées, elles permettent aux yeux de se promener presque sans obstacle de l'autel à la nef et au bas-côté. Le granit couleur de sable est gai à la vue, tout en donnant l'idée d'une stabilité sans changement. Après la troisième travée et s'y rattachant, Le jubé se dessine en trois arcades ogivales que portent quatre colonnettes et que surmontent une corniche et une galerie de feuillages finement sculptés. Sous les arcades de côté, il y a deux autels, tandis que celui du milieu sert de passage pour entrer au chœur. Le nombre de jubés qui subsistent encore est tellement restreint qu'on manque de termes de comparaison. Celui de Saint-Étienne-du-Mont a, comme l'église elle-même, plus de manière que de style. Celui de la Madeleine à Troyes serait, comme il est d'usage de le dire, une vraie dentelle de pierre, si la dentelle retracée dans la pierre ne prenait immédiatement l'aspect lourd et tombant. Il a de plus le défaut d'être d'un style complètement différent de celui de l'église, de cacher presque complètement l'autel aux fidèles, et de présenter un fouillis de sculptures où l'air ne circule pas plus que le regard. Le jubé du Folgoat s'harmonise avec l'église d'une façon merveilleuse. Le granit de Kersanton, plus foncé que l'autre, l'en détache et le met en saillie. Il est petit, mais rien n'est plus léger, et c'est un chef-d'œuvre dans un chef-d'œuvre. J'en dirai autant des autels adossés à l'abside, et qui, comme le jubé, sont en granit de Kersanton. La vigne court le long de l'entablement, autour des arcades, en volutes délicates et fines. Chacun de ces autels, varié dans son dessin, est un modèle de goût et d'invention. L'œil s'émerveille de tant d'harmonie. Il faut s'arrêter, s'asseoir, reprendre sa promenade, et l'admiration ne se lasse pas. Elle se reporte des piliers au jubé, d'un autel à l'autre. Elle reprend les détails, elle se rejette sur l'ensemble. C'est l'une des plus vives jouissances artistiques qu'on puisse éprouver. Je n'ai pas entrepris une description minutieuse de l'architecture de Notre-Dame du Folgoat. J'ai prétendu seulement, après avoir raconté son histoire, donner quelque idée du charme et de l'impression délicieuse que donne l'édifice. Aussi laisserai-je de côté le clocher qui le signale à la piété des pèlerins, la tour qu'on appelle un dôme et qui n'a jamais été surmontée de sa flèche, le portail, encadré de sculptures, mais où l'on regrette l'absence du vestibule, l'autre portail, situé sur la droite de l'église et dit de l'évêque Alain, enfin, le portique des apôtres, le plus complet, le plus élégant et le mieux conservé de ces annexes d'église, si communs dans le Finistère. Au-dessus de la porte se voyaient les hermines, qui sont les armes de Bretagne, et sur le pignon un grand nombre d'écussons appartenant aux plus hautes familles du duché. L'extérieur répond à l'intérieur, c'est tout dire, et en annonce dignement les merveilles. Le pèlerinage et la foire aux chevaux attirent la foule au Folgoat de toutes les parties du Finistère. C'est un rendez-vous de costume. Le paysan de Léon porte le chapeau rond et noir, à larges ailes, enroulé d'un double ruban noir attaché de deux boucles en acier, et la veste noire en drap. Son air est grave comme son habit, et l'on dirait, à voir sa tenue digne et ses cheveux bruns, d'une colonie d'Espagnols égarés dans l'Armorique. L'habitant de Plougastel porte le bonnet rouge. Les pêcheurs de Plounéour XIII, de Goulven, de Brignogan ont la calotte bleue serrée à la tête avec la pipe engagée dans la calotte. Ils ont la veste bleue, le pantalon large et plissé, relevé sur le genou. Les jambes nues, rasées au sommet de la tête, leurs cheveux blonds descendent en torsade sur leurs épaules. Leur nez est celui de l'oiseau de proie. On prétend même qu'ils en ont eu les mœurs. Sur leurs côtes désolées et hérissées d'écueils, ils exerceraient volontiers encore le droit d'épave, comme autrefois, si la marine ne les surveillait par tous ses agents. Les roches qui s'entassent par larges blocs dans leur voisinage dressent leurs têtes comme des chiens qui aboient ou comme des monstres qui aileraient les navires pour les égarer et les engloutir. Les coiffes des femmes flottent en larges ailes. Les costumes les plus élégants viennent de Pont-l'Abbé, de Fouesnant. À Pont-l'Abbé, les hommes ont deux ou trois vestes à plusieurs rangs de franges. Les femmes, vêtues de draps, portent ces franges dans le haut du corsage, sur les bras et au bas de la jupe. Leur coiffure, qui ressemble à un casque en papier, n'a pas de grâce, et pourtant sied aux jeunes et rajeunit les vieilles. Fouesnant, près de Concarneau, est fier de ses filles et les habille en conséquence. Leurs bonnets forment sur le devant de la tête un bandeau agrémenté en dessous de rubans de couleur, et par derrière, ses longues ailes retombent sur une large collerette plissée. Mais que sont toutes ces descriptions de costumes ou d'églises ? Il faut les aller voir soi-même, s'en souvenir et y envoyer ses amis.